Sladana. Si t'es pas joué, mais y'a le passé qui nous secoue, car on fait plus la différence. Ah, il est trop chaud, regarde. Ah, on aime la street. Ah non, non, non, attends, attends, attends, attends, attends, lui, il est dangereux, lui, sur la vie de ma mère, je vais l'appeler tout de suite. Il est où ce bâtard dans le répertoire? Housse, t'es là. Attends, je vais être obligé de l'appeler. Allô? Ouais, ma gueule. Bien ou quoi, Housse? Ça va et toi, mon poteau? Eh, gros, ramène-toi chez moi, on va faire un son direct. Vas-y, c'est parti. Vas-y, vas-y. Parce qu'on aime la street, la chaîne. Rush, rush, rush. Industry Ready Production, psbeats.com. Make your purchase now. Street, ma fille, tu as caché. J'avance plus, tu flippes. Rendez-vous plein du marché. J'suis plus chaud, petite. Les protos terrassés, on arrive vite. Prépare-nous les trophées. Street, ma vie tu as caché, j'avance plus tu flippes. Rendez-vous plein du marché, je suis venu choper le titre. Les poteaux terrassés, on arrive fait vite. Prépare-nous les trophées. Classique prototype, je compte plus mes projets dingues. Je suis dangereux comme un atteint du sida avec un flingue. Plus rien à faire dans le game, si mes rails, si je me pavane. Je tourne en rond comme un détenu en haise, frère en promenade. Business 48 comme pot 30 Valenton nous colle au bord. Me serre pas la main, c'est avec le commissaire tu collabores. J'écris, j'envoie plus de missiles qu'un nouache sur Pearl Harbor. Ne m'appelle pas pour qu'on se casse si c'est pas pour faire nos bords. Street shit, je rayonne, anti-schmitt, flic, je déconne, flic, smic. Balance les sommes, acétique, race, ça me désole. Je vis le jour, Jacques et la nuit, je n'ai rien où j'écris. J'suis comme l'islam, ray, j'suis un éternel incompris. Faut que je teste ma vie, un chemin de ruine, terrain miné, déterminé d'assassiné, micro-signé, inné, contrat signé. Je vis bien, je suis entouré d'ennemis. Quoi que je dise, elles se mêleront jamais de leur vie. Street, ma vie tu as caché, j'avance plus tu flippes. Rendez-vous plein du marché, je suis plus chaud petite. Les poteaux terrassés, on arrive vite. Prépare-nous les trophées. Street, ma vie tu as gâché, j'avance plus tu flippes. Rendez-vous plein du marché, j'suis plus sur petite. Mes poteaux terrassés, on arrive fait vite. Prépare-nous les trophées. Street, terminé, passe, stylé, non ne nous parle pas quitter. On s'en tape, c'est tac, billet, putain là faut que j'aille me vider. Jet 7, j'pète sec, 3, 5, 7 dans l'affaire. Vel, si le savoir est une arme, bah j'défouraille à balle réelle. Sexe, rock, mollet, vol, grosse fesse, grosse caisse, elle devienne folle, v'là du son gogol. Les cons décollent, les cons désorfent, le front au sol. On garde le point, levé vers le ciel, tête baissée dans la casquette. Tant tête pas éplucher la hesse quand ton poteau n'a pas la pêche. Et de guerre et des partous, des mecs des terres et des gadous. Tu fais le vénère, t'es un gadou. J'réponds en clair, VL, tes ou Renoir est fier. Fuck McDoom, j'fais lancer ta mère sur des zoulous. Des fous soyons, des fonçons, les du coup fuyons. Y'a les cons décrier la street, on ne chuchote pas la street. Kiff ghetto man, tu flippes, qui traîne des trônes critiques. Et le phénomène est dealer NA2 qu'on entretient la LA2. Si j'prends l'essence, n'oublie pas que j'baisse le temps jusqu'à ce qu'il pleure. Street, ma vie tu as caché, j'avance plus tu flippes. Rendez-vous plein du marché, j'suis plus chaud petite. Les poteaux terrassés, on arrive vite. Prépare-nous les trophées. Street, ma vie tu as gâché. J'avance plus tu flippes. Rendez-vous plein du marché, j'suis plus chaud petite. Les poteaux terrassés, on arrive vite. Prépare-nous les trophées. Street, street. www.psbeats.com.